3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Coucou. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, on est de retour. Le lundi, vous savez ce qui vous attend, Have a Knicks Week, le moment idéal pour vous souhaiter une très bonne semaine. Une très bonne semaine comment? Une très bonne semaine de Knicks, bien sûr. Toujours fidèlement accompagné de Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Ça va Seb? Oh bah écoute, ouais, tout va bien quoi. Tout va pas bien. Pas trop se plaindre en ce moment, même si la santé, hein, on en parle. Finalement, les Knicks se comportent plutôt bien et on serait peut-être pas loin de vivre l'une des meilleures saisons dans notre vie de Knicks fan. En tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas une équipe crédible comme ça et ça fait plaisir d'enchaîner un peu les victoires. Bon, en tout cas, comme à chaque fois, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à se raconter sur le programme de cette émission. Installez-vous bien, que ce soit devant YouTube ou avec vos plateformes de streaming audio préférées. On est parti, on perd pas plus de temps, on lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est parti pour l'épisode 83. Allez, c'est parti, on lance l'épisode 83 sur KNF TV. Let's go. Alors, ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue et ce qui s'est passé aussi du côté de la KNF. Oui, l'association était réunie le week-end dernier, samedi, au Hideout Paris, Gare du Nord, pour une KNF Viewing Party. Il y avait pas mal de membres, on était contents de se retrouver. C'était le nouvel événement depuis le voyage associatif de fin février. Et l'occasion de revoir certains voyageurs, de retrouver d'autres qui étaient restés coincés un peu sur la région parisienne. Bref, en tout cas, de passer un bon moment entre Knicks fans. Et puis, pourquoi pas, de distribuer quelques petits cadeaux. Il y avait quelques donations de la part de Bruce, qu'on remercie au passage, avec quelques t-shirts plutôt orange and blue, hein, histoire de se rhabiller pour le printemps. Parce que oui, ça y est, on est rendu au printemps. Mmh. Le printemps, c'est une bonne saison, généralement. Pour les Knicks, ça devrait être aussi une bonne saison. En tout cas, on l'espère. Et donc voilà, une belle KNF Viewing Party. C'est pas la dernière de la saison. Mais il se prépare quelque chose, donc restez à l'affût, on vous dira ça très prochainement, mais il y aura encore de la KNF Viewing Party, et puis je l'ai dit, printemps égale playoff, et l'année dernière, les Viewing Parties de playoff étaient plutôt chaudes, plutôt animées, plutôt à ne pas manquer, donc voilà, on sera encore une fois sur le qui-vive pour voir le programme que nous permet de réaliser la NBA avec les événements associatifs. Donc voilà, comptez sur nous en tout cas pour continuer d'animer cette saison comme il se doit, de profiter jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Il y aura d'autres événements, donc voilà, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Ici, on vous relaiera aussi les informations des événements de l'association. Et puis, on remercie encore une fois tous les membres et toutes les membres qui ont pu se déplacer, qui ont pu venir, qui ont pu braver la pluie parce que le temps n'était pas terrible. On n'était pas encore sur un temps printanier. Ça va revenir, les beaux jours arrivent et les beaux jours d'Enix continuent en tout cas. Voilà, ça c'était pour le dernier événement en date, l'actualité de l'association. L'actualité de l'association, c'était de la fête, donc c'était une partie. J'ai envie de dire qu'au Madison Square Garden, le dernier match aussi qui s'est tenu, le retour des Bookers après leur long road trip à l'ouest, a été plutôt festif aussi. On a vu quelques beaux mondes, hein. Tout le monde n'a pas rigolé dans cette fête, hein. Les Brooklyn Nets, en l'occurrence Mikal Bridges. Il n'était pas du bon côté, mais en tout cas, voilà, c'était plutôt une ambiance festive avec Patrick Ewing. Oui, oui, la légende des Knicks était là, avec son popcorn, avec ses enfants, ses petits-enfants. Et puis, à retrouver des anciens teammates. Ça fait plaisir de voir le grand Patrick au Madison Square Garden. Forcément, standing ovation, ça va de soi. Et une petite victoire au bout, ça, on va revenir sur le match après. Mais voilà, ça fait plaisir de retrouver les anciens au Madison Square Garden. Et puis les anciens pas aigris, puisqu'il a eu quelques mots pour l'équipe actuelle, pour JB. Pour le coach aussi, coach Thibodeau, qui le connaît. Hein, puisque, on rappelle, Thibodeau était dans le coaching staff de Jeff Van Gundy il y a quelques années déjà. Donc voilà, c'était retour à la maison. No better place like home. Ça faisait plaisir de retrouver le Garden, n'est-ce pas, Seb? Après, il était déjà venu pendant les playoffs l'année dernière. Oui, il vient de temps en temps, Depuis qu'il n'est plus coach des Georgetown Hoyas, il a retrouvé un petit peu de dispo dans son calendrier. Oui, et Il puis est c'est toujours pas bienvenu. et puis c'est pas plus mal que les Knicks aussi invitent pour le coup, c'est sympa quand tu vois voilà, d'anciens joueurs, mais là on parle d'une légende quoi. Donc Ah, et un si tu peu. vois, c'est autre chose. En effet, quand il y a les Marcus Camby, les Sprewell, les Houston, et, ouais, c'est voilà, ce sont des joueurs qui ont compté. Là, on parle d'un mec qui a tous les records d'une franchise. Donc Eh oui. voilà, c'est toujours quand même valorisant pour une équipe justement de mettre sur un piédestal ces légendes quoi. Donc, Les joueurs qui ont fait les Knicks, Walt Frazier faisait un petit brin, un petit trait d'humour en disant qu'il Oui. détestait Patrick Ewing. Pourquoi? Bah parce qu'il avait effacé tous ses records, tout simplement. Et puis on a une pensée également pour le regretter Willis Reed, qui nous a quittés il y a un an déjà de ça. Mais effectivement, voilà, les légendes des Knicks, elles comptent pour l'histoire de la franchise, même s'il n'y a pas autant de bannières de champions. Voilà, Patrick Ewing Mais a après, pour incarné beaucoup, les Knicks. c'est ça. Pour beaucoup, il est quand tu Le dis visage de Knicks, cette quand franchise. tu dis Knicks, les gens pensent Ewing. Alors peut-être pas pour les dernières générations qui, je leur dirais à Knicks, ils vont plus voir Melo. Mais pour des quadras comme nous ou plus, dire pas parler des Knicks, c'est tout de suite voir. C'est tout de suite voir Ewing, c'est tout de suite voir les finales de 94 contre Olajuwon. Enfin voilà, c'est surtout ça quoi qu'il y a en tête. Tout à fait. En tout cas, il était reçu comme il fallait, Patrick Ewing, au Madison Square Garden le week-end dernier, samedi dernier. Bon, on va pas faire les fanfarons, mais quand même, on vous l'avait annoncé en avance la semaine dernière, le joueur de la semaine dans la conférence Est, et donc JB, bah oui, Jaylen Brown. Bon, on le s'en doutait un peu avec ses deux perfs à plus de 40 points consécutives. Plus des victoires sur un 3-0 sur la semaine, il y a 2 semaines. Donc voilà, Jalen Brunson, encore une fois joueur de la semaine. C'est le troisième, la troisième fois en tout cas pour JB cette saison. Il est dans un cercle assez fermé. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu 3 fois le joueur de la semaine cette saison dans la conférence Est. Est-ce que ça fera de lui un MVP ou un joueur dans la discussion au titre de MVP? Ça paraît un petit peu compliqué, même si régulièrement le public du Garden scande à son nom Si ces tu finis trois lettres troisième à de l'Est, MVP, MVP. Mais il sera dans la discussion, c'est non mais certain. Et c'est Player of the Week, ça aide en tout cas. si tu finis troisième à l'Est avec le scénario qu'on a connu, c'est-à-dire toutes les blessures et tout New York porté sur ses petites épaules, arriver à avoir ces résultats-là. Enfin, je veux dire, quelle équipe peut arriver à supporter de perdre deux, voire trois, si on compte Mitchell Robinson, de ces joueurs importants de la rotation. Tu perds ton meilleur, voire ton deuxième meilleur scoreur avec Julius All Randle Star. et All-Star. Tu perds ton meilleur donc, atout défensif et all-around avec OG Anunoby et ton meilleur défenseur rebondeur intérieur avec Mitchell Robinson. Et malgré tout ça, tu arrives à rester compétitif. Et tu arrives à aller chatouiller les Cleveland Cavaliers qui sont troisième. Et malgré tout, tu arrives à avoir des résultats. Parce que tu as un type comme Jalen Brunson. Et c'est vrai que pour le coup, bah, le parallèle qu'avait fait Shaquille O'Neal avec Allen Iverson Iverson. presque se tient encore plus. Parce que Iverson avait une équipe de besogneux. Et il n'y avait pas trop de talent non plus hein, autour de lui hein, dans l'équipe de. Dans l'équipe de c'est de 2001 quand ils vont en finale et là c'est un peu la même chose quoi. Alors, il y a un peu plus de talent peut-être mais en tout cas il fait des choses incroyables et il arrive à porter cette équipe et à l'amener là où elle est actuellement. Donc si tu finis troisième de l'Est, tu sais que son dossier, malgré que personne n'en parle, mais son Il y a des dossier arguments. Il y a des arguments pour prêcher pour la Alors après, paroisse attention, JB. attention, parce que je sens que ça va être clippé peut-être par certains qui ont des mauvaises intentions. Je ne dis pas que Jalen Brunson, c'est Allen Iverson. Il en est Non. encore loin, il en est encore loin de son niveau. Hein. Allen Moins de Iverson, tatouages. Moins de tatouages. c'était moins de tatouage et Allen Iverson, c'était voilà, c'était un truc de fou. Euh, Voire même pas de mais, tatouage du tout. mais ce que je veux dire, c'est que dans l'aspect je prends une équipe et je la mets sur mes épaules parce que bah, actuellement il n'y a personne et il faut qu'on gagne. Bah, il se pose là quand même. Enfin, tu vois, enfin, Il se pose demain. là, il est très sérieux. Alors après, oui, Iverson, la comparaison, c'est plutôt par rapport à un petit gabarit, un petit joueur. Ça avait Voilà. fait discuter, ça avait fait jaser, ça avait fait couler beaucoup d'encre et agitation sur les réseaux sociaux en début de saison. On ne peut pas gagner avec un petit joueur. Bon, bah on verra, on verra. Il y a eu quelques exemples, il y a des contre-exemples à chaque fois, comme pour tout. Mais en tout cas, voilà, il a montré de très belles choses. Il a été récompensé avec un troisième titre de joueur de la semaine dans la conférence Est. C'est pas rien. Et s'il sera assurément dans la discussion au titre de MVP, on sent que ça sera un peu court par rapport à d'autres qui ont fait une saison de très très haut Oui, standing. non, bien Mais sûr. toutefois, il y aura sûrement d'autres distinctions qui arriveront pour Jalen Brunson en fin de saison. Et on pense plutôt à du All-NBA Team. Alors vous savez, enfin, à partir de cette saison, il n'y aura plus de distinction, de différence de fait par rapport au poste. On peut avoir une All-NBA First Team avec que des pivots, par exemple. C'est un peu Ça, c'était débile, mais bon. surtout. C'est un peu particulier, mais c'est aussi un peu pour faire un contre-coup par rapport à une contre-réaction par rapport à l'année dernière où Joel Embiid est MVP, mais dans la seconde team et pas dans la first où c'est Jokic qui avait la place de pivot. Bon, voilà, donc à voir si ça tient vraiment ça, la route, tout ça. Mais en tout cas, JB, est-ce qu'il va être top 5, top 10, top 15 NBA? Est-ce qu'il va être All NBA First Team, seconde ou third? Ça, c'est une interrogation un petit peu sur la fin de saison. En tout cas, il a de forts arguments pour intégrer ce top 15. Et si ça se fait, eh bien, ça fera un bon paquet d'années. Il faudra remonter à notre Clyde préféré, Walt Frazier. On en parlait juste un petit peu en ouverture d'émission. Depuis Walt Frazier, il n'y a pas un joueur des Knicks du backcourt, attention, hein, un arrière, qui a pu obtenir ce genre de distinction de C'est fou, All-NBA hein. Team. C'est dire aussi les difficultés qu'ont connues les Knicks au poste de meneur. Hein, c'est souvent le meneur qui est récompensé dans ces situations-là. On s'est cherché pendant de nombreuses années des joueurs méritants, des Mark Jackson, Steph Marbury, dans un contexte un petit peu différent, qui auraient eu des qualités intrinsèques pour pouvoir gratter ses places, mais ça n'a jamais été le cas, cette distinction. Donc là, la question qu'on va se poser, ça va être de savoir si JB. Est-ce que c'est un top 5? Est-ce qu'il y a que 4 joueurs au mieux dans cette ligue, dans cette saison, qui sont devant lui? Est-ce que c'est plutôt un top 10 et auquel cas il serait seconde team? Ou est-ce que c'est un top 15? Ça veut dire qu'il y aurait au moins plus de 10 joueurs devant lui. Toi, tu vois ça comment, Seb? On se dit il va être All-NBA. Mais first, Ouais, seconde ou ça c'est third? sûr. Ah, Pas facile. moi, je le vois plus dans la deuxième. Je le vois Pareil. plus dans la deuxième. Je le vois plus dans la deuxième parce que, tu vois, on parlait du MVP, je pense que quand même, Shai Gilgeous-Alexander, pour moi, Fait une belle et saison. le. Et, ouais, pour moi, surtout si OKC finit premier de l'Ouest, pour moi, c'est Premier le ou lauréat. deux, Enfin, c'est. Ouais, ouais, c'est. mais il fait des choses tellement extraordinaires. Pour moi, c'est vraiment le meilleur meneur NBA et le meilleur joueur actuellement de la NBA. Personnellement, voilà, c'est mon avis. Donc pour moi, après d'ailleurs, voilà, c'est sûr que tu as toujours des Jokic qui sont incroyables. On l'a vu contre les Knicks. Voilà. Moi, je pense qu'il fera partie des 10. Pas de la première, mais qu'il sera dans la deuxième. Ce qui sera déjà extraordinaire. Quand on sait d'où part ce mec, drafté au second tour. Et puis arriver, enfin, par son talent et sa détermination, arriver là où il en est, bah, c'est fabuleux. Donc, moi, je pense qu'il sera dans la deuxième team. Ouais. Ouais, pas plus de 9 joueurs devant lui. On serait plutôt sur un top 10 pour JB, un All-NBA Second Team. Écoute, c'est également ma prévision, on va dire, ma grosse cote du jour. Je le verrais plutôt effectivement dans le top 10, donc All-NBA Second Team. Il faudrait remonter à Julius Randle, hein, il y a 2 saisons de ça, enfin la saison du We Here, pour retrouver un autre Knickerbocker à ce niveau. Bien sûr, avant Randle, on a eu du Carmelo Anthony dans les All-NBA Team. Mais voilà, en tout cas, un joueur du backcourt, il faudra remontrer à Walt Frazier. Après le 10, le 11, ça serait un très beau clin On d'œil. fait tomber un peu les et on fait tomber un peu On les dépoussière un peu les vieux livres de records. ouais, quand tu te rappelles par exemple le dernier premier tour de draft prolongé, bon ben voilà, c'était Charlie Ward, et puis bon ben là maintenant, voilà, RJ. ça a été RJ Barrett. Là maintenant, peut-être que tu vois pareil ce vieux record, enfin ce vieux record, ce vieux truc qui va peut-être tomber. Moi, je pense qu'il va tomber. Je pense que, attends, la saison qu'il fait est incroyable. Comment il pourrait ne. Déjà, il a été All-Star, deux All-Star Onyx, fabuleux. Et en plus de ça, comment tu pourrais ne pas le mettre dans une All-NBA team? Enfin, moi, je Ce vois serait pas. Je vois, à l'heure actuelle, je vois pas 15 mecs devant lui, quoi. Je vois vu pas la 15 saison mecs devant lui. individuelle et collective, ça va être compliqué de faire l'impasse sur lui. Voilà, s'il est que sur team, ça sera déjà une belle Ça sera reconnaissance, déjà. Ah mais ouais. voilà. On présume comme ça qu'il serait plutôt All-NBA Second Team. À vous de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. À vous de nous dire en commentaire. Bon, on a parlé d'un ancien All-NBA en la personne de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, on en a encore entendu parler. En fait, on en entend toujours parler, Carmelo Anthony. Il n'est jamais vraiment, vraiment loin de cette planète NBA et des Knicks en l'occurrence. Et pourquoi on en a entendu parler? Parce que c'est un ambassadeur de la FIBA. Bah oui, on a un peu tendance à l'oublier. On se rappelle tout de même que FIBA Melo, c'était peut-être la meilleure version du Melo qu'on ait pu voir. Et il a eu Un encore la mélo main victorieux. chaude. Un Melo victorieux, ça c'est certain, avec Team USA, même si les débuts ont été compliqués. Bref, on va pas revenir dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, pour dire qu'il a encore eu la main chaude en Suisse, parce que Melo était en charge du tirage au sort des poules pour les Jeux Olympiques. Et oui, les Jeux Olympiques de 2024, c'est à Paris, ça sera cet été. Après, on l'espère de À Paris. un beau Paris, Lille, enfin bref. Si vous voulez aller les voir, on essaiera d'aller les voir. Il y aura l'équipe de France, bien sûr. Est-ce qu'il y aura des Knickerbockers dans l'équipe de France? Plutôt des anciens. Est-ce qu'il y aura des Knickerbockers dans Team USA? Ah, pourquoi pas? Et Ah, pourquoi tu pas? sais que Effectivement, on parle visiblement. de GB en All-NBA Ouais. Team. Est-ce que ça pourrait lui permettre de se glisser dans le roster définitif de Team USA? En tout cas, Steve Kerr l'aimait bien, l'aime bien. Ben, c'est ce qu'il a dit, hein. C'est que visiblement, il ferait partie de sa top liste, hein. Donc. À voir, hein. C'est un joueur effectivement avec un profil Et vu différent l'armada qu'il veut d'autres. l'envoyer, Ça serait une très comme ça, belle reconnaissance en tout cas. il pourrait gratter une médaille d'or. Même si la campagne au championnat du monde, elle n'a pas été dorée Ouais, non, mais pour oui. le cas. Il Et n'aura pas autant de minutes. Il n'aura pas autant de minutes du parce coup, que. il n'a pas non plus été à son avantage lors du championnat du Là, ils monde vont par rapport à envoyer Dani les. Burton, quoi. Je te rappelle que là, quand même, ils comptent envoyer les Avengers. Et le dernier. Ça sera le dernier tournoi donc, de LeBron et ses potes. Donc, tu vas avoir du Steph Curry, du machin. Donc, ils vont vouloir marquer les esprits. Évidemment, je pense qu'il n'aura pas autant de minutes qu'il a eu au championnat Est-ce du qu'il y monde. sera? Est-ce qu'il y sera? Bon, ouais, je pense qu'il y sera. Parce Toi, qu'il tu dis faut quand même. oui? Ouais, faut que. Ils peuvent pas mettre que les potes à LeBron. À un moment donné, il faut aussi. Non, mais il y aura du Haliburton, il y aura du Anthony Edwards, il y aura aussi quelques joueurs de la nouvelle génération. Oui. Est-ce qu'il reste une petite place dans tout ça pour un petit Jalen Brunson? Ouais, Toi, tu dis je oui. pense. Toi, tu dis oui. Ouais. Toi, tu dis GB, on le voit à Paris, GB, on le voit à Lille. Ok. Bah, dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça va être un petit peu court quand même. Je pense que ça va être un Tu petit peu penses qu'il ne court. sera pas? Ah, il n'y a pas beaucoup de place. Là, on ne parle pas d'un All-NBA Team. Effectivement, quand on a parlé de All-NBA Team tout à l'heure, est-ce qu'un LeBron, il va glisser en All-NBA, pardon? À voir. Il faut que il a quoi? Le tournoi, ça c'est en juillet. On est en mars, donc il y a encore 4 mois. Allez, il y a du lobbying à faire auprès de LeBron, vu que c'est lui qui va faire la liste. Donc il faut Il y y a un aller peu de là. ça. Il y a un peu de ça, mais on sait que les Steph Curry et compagnie vont avoir cette place parce que c'est du nom, c'est du fame, c'est aussi une envie d'être olympique. Est-ce que, voilà, dans les joueurs qui étaient présents au championnat du monde l'été dernier, l'été d'avant, est-ce qu'il y en aura beaucoup qui vont être reversés dans Team USA pour l'équipe olympique? À voir, mais en tout cas, bon, Steve Kerr, qui est encore le sélectionneur pour cette campagne de Team USA, apprécie JB. À voir s'il apprécie tellement au point de le sélectionner. En tout cas, on essaiera de suivre tout ça. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a toujours pas parlé de l'Onyx. Et pourtant, l'Onyx, ils sont plutôt en forme en ce moment. Ça réussit plutôt bien. Le bilan est positif, bien sûr, en termes de victoire, ça c'est certain. Les performances sont à un haut niveau en termes de défense. Ça score peu. On a des joueurs qui ont beaucoup de minutes. On a des joueurs qui nous enchaînent des triples-doubles. Tout va bien en ce moment côté Knicks si on n'avait pas une infirmerie Oh là là. toujours un petit peu, hein? N'est-ce pas? Autrement, ça joue plutôt bien, ça joue bien. Mais c'est ces histoires d'infirmerie. Alors, on en revient très souvent. OG Anunoby vient, OG Anunoby repart, Julius Randle s'entraîne, mais sans contact. Mitchell Robinson nous envoie des petits tweets subliminaux en disant que ça approche, et que, bon, on ne sait pas quoi qui approche, mais il est prêt, pourquoi pas, à sortir du banc, s'il le faut. Julius Randle vient chez les copains des podcasts pour parler un petit peu. Bon, on est impatient, il reste plus beaucoup de semaines de saison de régulière, et pour autant, bah, on n'a toujours pas cette équipe au complet, et pour autant, les Knicks gagnent toujours. Est-ce que ça commence à t'inquiéter, ces retours qui tardent à venir, ou pour l'instant, on est toujours serein, sachant qu'on a eu des déclarations un petit peu du chaud, du froid, d'un côté ou de l'autre, que ce soit OG Anunoby qui est reparti parce qu'il avait du mal à jouer avec la douleur, inversement, Julius Randle qui, lui, est prêt à jouer avec la douleur, mais qui n'est pas encore clearé. En termes d'entraînement avec contact, qu'est-ce que, comment, qu'est-ce qu'on dit de cette situation? Bah, Qui déjà, si traîne, tu qui veux, traîne. moi, ouais, le cas de Ogugua Anunobi, donc ouais, Voilà, on c'est bien connaît ça. maintenant le nom de OG, le C'est prénom. bien ça son nom, c'est Ogugua. Donc, de Oji Anunobi, si tu veux, on savait avant sa signature, hein, on en a parlé, toi et moi, avec d'autres copains en off, que c'est vrai que ce côté injury prone était peut-être problématique. Il nous fallait ce fameux poste 3-4 all-around pour justement nous permettre de step up. C'est vrai que lorsqu'il joue, eh ben, tout de suite on voit la différence dans les résultats et dans l'approche tactique du match, quoi. C'est vrai que ben, il change la phase d'un match, hein, c'est évident. Et moi j'adore quand il est sur le terrain. Enfin. Mais c'est vrai qu'il a ce côté. Alors, j'en voyais beaucoup qui étaient là, oui, mais non, tu sais, je pense que juste il le ménage, tout ça. Mais il y avait des signes déjà la semaine d'avant qui trompaient pas trop, quand il se tenait le coude, quand il grimaçait, qu'il n'arrêtait pas de grimacer. On avait toujours peur, on s'est dit, attends, il va pas repartir. Et puis si. Et il s'est fait opérer, il s'est refait opérer. Alors, une petite opération, hein, petite opération chirurgicale, mais. C'est quand même pas anodin, à nouveau, d'ouvrir le coude, quoi. Donc là, il est signalé out, et pour le prochain match, hein, encore, donc après, quand on va les présenter, ben, là aussi, il est encore signalé out. Et ce type-là, donc on entend plusieurs choses le concernant. On entend, comme tu dis, qu'il aurait du mal à supporter la douleur, ou en tout cas à jouer avec la douleur. On entend dire que, bah, entre guillemets, il était prêt à négocier un gros contrat pour cet Ouais, été. c'est ça, on parle aussi Donc, déjà de sa situation contractuelle. et ouais, le mec, j'ai compté, sur les 37 matchs joués avec les Knicks, je crois que c'est 37, Petite dizaine, quoi. il en a joué 17, il en a raté Pas dizaine. 20. C'est un truc comme ça. Ça va, ça va pas être évident en tout cas C'est quand même énorme. Et alors si tu d'évaluer veux, la situation contractuelle. voilà. Alors si tu veux, d'un côté, je m'étais amusé un petit peu à charrier en disant, mais quelle est la différence finalement? Parce que là, on l'a vu avec les poteaux De des Nova. Nets. Quelle est la différence finalement de niveau entre un OG Anunoby et un Mikal Bridges? Tu vois? Alors oui, je l'entends que d'un côté, OG peut être plus fort défensivement. C'est vrai qu'il a un corps de malade. Ouais. Et peut-être que par Tranquille. contre, offensivement, il est peut-être moins talentueux qu'un Mikal Bridges. Mais d'un autre côté, tu as un Mikal Bridges qui a encore 2 ans de contrat à 20 millions la saison. 20 ou 21, enfin un truc comme ça. Et de l'autre côté, on a un OG Anunoby qui va sûrement demander plus de 30 millions. Donc ça veut dire, Ouais, certains parlent même de est-ce qu'il y a 40 vraiment millions. 10 millions, est-ce qu'il y avait vraiment 10 millions ou 15 millions d'écart entre les deux au niveau du niveau, tu vois? Alors après, on se sent un peu piégé dans cette histoire. C'est-à-dire que tu as quand même envoyé Emmanuel Quickly et RJ Barrett RJ Barrett. pour OG Anunoby. Alors oui, quand il joue, il Et nous régale Precious. tous. Et moi, je Et l'adore, Precious. et Precious. Et voilà. Ah ben oui, ben heureusement qu'il est là. Heureusement, Mais heureusement. alors moi je l'adore, hein, et puis on me fera pas dire ce que je ne dis pas. Moi j'adore Ojiya Minobi, c'est pas le problème. Je dis Et juste que... tu l'adores quand il joue. Eh Le problème, ben... c'est qu'il joue pas assez en ce moment C'est de qu'il par ses joue... blessures. Mais... Et ça, c'est vrai qu'on s'interrogeait énormément à ce sujet-là, justement ce côté, ben, injury prone, ce qu'il est en fait. Et là, bon ben voilà, donc là on va se retrouver à discuter cet été. Et à devoir, ben, peut-être sûrement, pour pas finir le bec dans l'eau, ben, un max d'oseille à un type qui n'a jamais fait de saison pleine depuis le début de sa carrière. Effectivement, il y a un petit côté sans Donc, garantie et l'évaluation va pas être évidente. et à côté de ça, de l'autre côté de la rivière, t'as le poteau des Nova Boys qui est là, qui est plutôt un Ironman lui, c'est-à-dire que ben, il se blesse pas trop. Qui est plutôt bon. Alors, on a voulu en effet lui donner un rôle qui n'est pas le sien, c'est-à-dire que ce n'est pas un franchise player. C'est une troisième option d'une équipe intéressante. Et ce Comme ce finalement, qu'il était c'est à Phoenix en fait. comme ce qu'il était à Phoenix et comme ce qu'il pourrait être chez les Knicks. C'est-à-dire ben, un mec derrière JB, derrière Julius. Donc, voilà, alors est-ce moi je sais pas finalement dans l'histoire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais je dis juste que je me sens un peu piégé dans cette histoire-là. Je pense que Léon Rose et toute la clique se disent bon bah on est obligé de le re-signer. T'es obligé de le re-signer. Tu peux pas dire bah non en fait Ah, bah j'ai compte tenu du envoyé prix payé pour le trade, ce serait dommage de le laisser partir pour rien, quoi. c'est ça, j'ai envoyé RJ Barrett et Emmanuel Quickly, donc deux jeunes gens. Avec une même si Barrett est pour moi avec une valeur un peu moindre que Quickly, mais j'en vois quand même deux mecs qui jouent, sont rarement blessés et sont performants contre ben, finalement quelqu'un qui je vais pas le laisser partir parce qu'il est encore OG, est encore jeune, mais c'est vrai que c'est quand même OG Anunoby quand tu regardes ça, je vais te dire OG Anunoby, il est arrivé à NBA en 2018. Et donc, quand tu regardes ces saisons, ben, c'est 62 Pas matchs de la saison pleine, première, quoi. 62 Bon, matchs la c'est. saison 2017-2018, ensuite Et c'est. 74 matchs, ensuite 67, 69, 43, Bon, 48, la saison 60, Covid est 76. forcément amputée, mais en tout cas, on n'est pas sur des saisons pleines. Et on peut Jamais. se questionner, s'interroger vis-à-vis, effectivement, Jamais. de la Donc là, il va avoir consistance qu'on 20... peut avoir avec lui. Donc là, il a 26 ans. Il va rentrer dans sa 27e année. Donc, soi-disant, comme ce que tout le monde dit, le prime du joueur. D'un joueur Mais NBA. tu sais que tu es sur un mec qui va te rater entre 20 et 25 matchs faciles par saison. Alors, bon, comme ça peut paraître un peu critique, on peut être un peu sévère, on peut douter effectivement de l'avenir d'Oji Anunoby. En tout cas, il va falloir qu'on le revoie sur le terrain. On l'a eu par bride et c'était plutôt intéressant et ça a été bénéfique au Knicks et on l'a vu tout de suite, il y a eu du résultat. Donc, fort heureusement, ça penche. Et ça joue en sa faveur. Après, on verra vis-à-vis de cet été. Moi, j'ai envie de dire, le principal, c'est qu'il soit prêt pour les finales NBA. Si, arrivé en finale NBA, il est en pleine possession de ses moyens et que les Knicks sont champions, là, il n'y aura plus de questions vis-à-vis du contrat à mettre sur la table. N'oublie pas que La c'est un joueur qui est science-fiction de ouf! champion NBA avec les Raptors. Donc voilà, que les joueurs de Détroit nous aient rapporté un petit peu de loose, bon, ça peut arriver. Que le joueur des Raptors nous appelle, rapporte un petit peu de côté Championships, comme c'est le cas aussi pour Dante DiVincenzo, eh bien voilà, c'est peut-être ça Sûr, sûr, là, on t'a qui pris en fera ce les moment? Knicks une belle saison. Les En Lakers? finale, bien sûr. Lakers-Knicks? En 6. Et tu sais que un Oh, j'aurais Lakers-Knicks, pas dû en parler tout de alors. suite. Et tu sais que un Lakers-Knicks en finale, mais alors t'as Adam Silver et t'as la NBC, t'as tout le monde là. Ah ouais, là, les mecs, c'est champagne, c'est tout ce que tu veux là. C'est deux des plus gros marchés NBA qui s'affrontent en finale NBA, alors là. Bon, on est dans Et. la science-fiction, on va attendre un peu pour savoir si ça peut se réaliser. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Oji Anunoby, on a hâte qu'il revienne et qu'il revienne durablement. C'est dommage ce petit retour et ce retour à l'infirmerie. Et Ouais, puis pour ses autres il remet trois teammates, matchs et il part. pour les autres teammates, que ce soit Mitchell Robinson qui semble se rapprocher d'un retour, il va falloir que ça se concrétise. parce que lui aussi va manquer un peu de rythme de compétition. Et puis Julius Randle, bah, il est toujours attendu. D'émission en émission, je vous l'annonce, son retour est imminent. Et bah, cette semaine, je vous l'annonce encore, on se rapproche. Quoi qu'il arrive, hein. Et à Quoi qu'il chaque arrive. minute, à chaque minute, à chaque seconde, on se On est encore rapproche du plus proche. retour de... Exactement. Et par rapport au début de l'émission, on s'est rapproché. Clairement, clairement. Bon, trêve de plaisanterie. Il y a eu trois matchs la semaine dernière. Oui, il y a eu trois matchs. Deux en déplacement et un retour donc au Madison Square Garden. J'avais annoncé 2-1 pour cette semaine. Bah, finalement, on est sur un Ouais. 2-1. Mon pronostic était bon. Je retrouve mon rôle de oracle J'étais sur cette pessimiste. Et émission. t'avais annoncé le 3Z la session d'avant. C'est clair. Mal. Ouais, il va Pas falloir mal. que je joue un petit peu d'argent pour renflouer les caisses. Mais en tout cas, voilà, on avait vu juste sur le pronostic. Alors bon, des fois, c'est un petit peu de chance. Là, premier déplacement aux Golden State Warriors. Et puis, bah voilà, d'entrée de jeu, une sorte de surprise avec la titularisation de Miles McBride. Oui, OG Anunoby, et on l'a dit, est retourné à l'infirmerie, mais on ne pensait pas forcément avoir un changement de line-up au niveau de coach Ouais. Thibodeau. Il a pris les Warriors à leur jeu. On va jouer small ball? Eh ben on va jouer small ball les gars. Et il nous envoie un Deuce McBride qui était en mission un petit peu défensive sur Steph Incroyable. Curry. Et Un puis match incroyable. il a pas fait que défendre. Il a fait aussi plutôt son chantier en attaque. Et derrière, bah, les Knicks ont joué le jeu, ont très bien débuté la rencontre. Ça aide toujours de bien se lancer dans un match. Brunson qui nous a fait du Brunson, mais c'est surtout McBride moi qui m'est ressorti un petit peu. Il a été Qui est fabuleux. ressorti aux yeux de tous, il fait son record en carrière sur cette rencontre. Il Et une démarrait bien sa semaine, le défense de petit Deuce. fer. Bah oui, Et bah une oui. défense de fer. Je veux dire, t'as quand même Stephen Curry en face qui a 27 points, mais qui a 4 sur 13 à 3 points. Et c'est pas rien. Et Juice, il est vraiment pour quelque chose. Cette défense au corps à corps, un pitbull qui lâchait pas son nonos, quoi. Il a été fabuleux et puis en effet, il a été en réussite totale. Sa ligne statistique, tu es sur un 9 sur 13 au tir, donc un 6 sur 9 à 3 points, quoi. C'est quand même Difficilement demander incroyable. plus. Et avec encore une Voilà. fois, un gros cardio, un gros temps de jeu encore sur cette rencontre. Euh, Bah, ça, ça 47 en devient une minutes. habitude. 47 minutes pour McBride. 48 pour Josh Pour Hart qui Hart. fait son. Qui fait son. Oui, pour Jean-Charles, qui fait son triple-double maintenant normal. Normal quoi. Après, on va entendre dire, ouais, ben, c'est normal, c'est du Tibbs, quoi. Mais non, c'est... J'allais dire Punaise, un gros punaise, mot. punaise. J'allais dire un gros mot. Flûte alors. On a une équipe qui, actuellement, est vraiment amputée de ses blessures, et au niveau des rotations, ça change tout. Tu veux faire jouer qui, là? Daquan Jeffries, tu veux faire jouer. Tu veux faire Topin? jouer quoi en fait? Topin? Tu vois, c'est. Alors, ouais, après ils ont récupéré un Shake Milton. Mais pour l'instant, il joue pas, il est hors de forme. On a bien compris qu'on l'avait signé, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il fallait une place dans le roster, j'imagine. Mais après, derrière, bah, c'est compliqué parce que ton banc, c'est Achiuwa, Bogdanovic, Sims et Burks. Effectivement, en termes de profondeur d'effectif, on est un petit peu court-vêtu en Et ce ouais, moment. et Ceci Bogdanovic. dit, est-ce qu'on pourrait pas donner un petit peu plus de temps à Bogda, un peu moins Hart? Hart joue plutôt poste 4 en ce moment, de par la blessure, la nouvelle blessure d'OG Anunoby. Et Bogdan, c'est un fantôme. On tire beaucoup sur la corde. Après, Hart a ce Bogdan, profil c'est de un joueur fantôme, quoi. défensif. Et T'as Bogda, besoin de rester Bogda. compétitif. T'as besoin de rester compétitif parce qu'à côté de ça, t'as Orlando qui tourne à plein bourre. T'as Indiana qui revient. Bon, Miami, ça souffle le chaud et le froid. Mais enfin, tu vois, t'as quand même deux équipes derrière qui eux, avancent aussi. D'ailleurs, Les Knicks n'ont et pas le Magic. luxe de se permettre de Et reposer non, leurs tu veux pas. Et joueurs ou donc, de laisser il faut filer des qu'on reste matchs. compétitif, quoi. Et malheureusement, ben, parce que je vais parler vite fait, on a parlé par quelques messages, on n'était pas du tout d'accord avec Alex de Trash Talk. Et qui lui disait, qui était sur cette ligne de. Ah bah c'est du Tibbs quoi, c'est normal, c'est du Tibbs, pourquoi est-ce que Bogda joue pas plus? Mais parce que on balance Bogdanovic comme enfin parce que c'est un nom qui a de la hype, c'est un nom qui est reconnu NBA. Mais c'est un mec qui sur les derniers matchs joue pas bien. C'est un mec qui a quand même eu beaucoup de minutes en début de quand il est arrivé d'arriver, chez Phoenix. Ouais. Il a eu quand même pas mal de minutes. Mais alors oui, après, si tu regardes sa ligne statistique, oui, il tourne en moyenne à 12 points par match. Pour une vingtaine de minutes jouées, c'est ça sa moyenne. Sa moyenne, t'es à L'impact 12. Dans la rencontre est pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre. Alors, on n'attendait pas forcément qu'il vienne avec 20 points en sortie de banc, comme il pouvait Non! tourner à 20 points en tant que titulaire à Détroit. Clairement, c'est pas la même utilisation. Il y a un effectif qui est beaucoup plus talentueux, fort, qui est déjà plus installé au Knicks, mais il a du mal à trouver son adresse, il a du mal à trouver ses bases, Ouais, ses c'est ça. marques. Et puis, ce n'est pas un C'est profil qu'on. défensif comme Hart peut l'être. Ça va être un profil plus offensif. C'est, pour paraphraser certains, un Evan Fournier un petit peu plus grand. Tu sais à combien est son PER? Non. Non, dit comme ça, je ne sais pas. Mais il ne doit pas être fabuleux depuis son arrivée à New York, en tout cas. Il est même pas dans. Alors déjà, bon, tu te dis 15-14, c'est un joueur moyen. Voilà, c'est la moyenne, donc c'est un joueur moyen. Il est à 7,4 en 17 matchs. En 17 matchs. Il était à Il est à combien lorsqu'il était 7, à Détroit? 14 moyen. Voilà. 14 moyen jusqu'à présent dans sa carrière. Voilà, ça a oscillé entre le 15, le 14. C'était un joueur voilà, qui restait dans ce range-là. Bon, c'est pas pour tirer sur lui, Je hein, suis. mais en tout Non, mais cas, non. il Mais n'apporte pas une après. Non. solution de substitution Après, fiable pour. le problème, c'est que des fois, les gens aussi pensent que ah ben on critique, on fait une émission où on donne des stats. Quand il y a des stats qui sont bonnes, on les donne. Quand il y a des stats qui sont pas bonnes, elles sont. Moi, j'adorerais voir un Bojan Bogdanovic dans le corner qui fait filoche à chaque fois qu'il shoot et qui prenne les bonnes décisions. Moi, j'adorerais ça. Je l'ai vu le faire. Je l'ai vu le faire quand il était à Utah. Il était incroyable. Moi, j'aimerais avoir le problème, c'est que maintenant Bogdanovic aussi, il a 34 ans, hein, il a plus là sur ce bel âge de Utah. C'était il y a quand même 2-3 ans maintenant, donc ça commence à faire. Mais c'est un type qui actuellement, j'imagine que si tu regardes sur le on-off, là, je l'ai pas, il doit être pénalisant pour l'équipe lorsqu'il est sur le terrain. Donc à un moment donné, si tu as envie de rester compétitif et d'enchaîner des victoires, ou en tout cas d'essayer d'aller chercher des victoires, est-ce que tu vas donner plus de minutes à des mecs? Il y a déjà une alchimie qui est faite. Ils peuvent encaisser parce qu'ils sont jeunes. Donc les minutes qui s'enchaînent. Ou est-ce que tu vas donner des minutes à Bogdanovic et tu vas te dire, bon, ben, c'est pas grave, tiens, je me tire une balle dans le pied. Et puis bon, ben, on va finir 7e ou 8e. Et Et je puis vais comme ça, au moins, développer Bogdanovic. Ouais, c'est pas on forcément. jouera le play-in. Donc voilà. Moi, j'arrive à comprendre les grosses minutes qu'on peut avoir actuellement Hart et McBride. Il faut bien voir que tout ça va forcément se lisser lorsque le roster va revenir au complet. Parce que ben déjà, Hart va retourner sur le banc, parce que tu vas voir les minutes qui vont être plus détaillées, plus, comment dire, éparpillées ben justement entre Dante DiVincenzo, Hart, McBride, JB. Enfin, forcément, ça va. Parce que ben, l'intérieur, ça va plus être distribué auprès de Julius, auprès de Hachua, auprès de OG Anunoby, auprès de. Voilà. Donc tout ça va s'équilibrer, mais actuellement, si tu as envie justement d'aller chercher, pourquoi pas, ces Cavaliers Troisième place, ouais. et d'enchaîner les victoires, eh ben tu es obligé de passer par là. On le voit bien. Je veux dire, nous qui suivons les Knicks au quotidien et qui regardons les matchs tout le temps, tu t'aperçois bien quand même que c'est plus le Burks de 2021 et Même c'est pas le Bogdan. s'il y a un peu de mieux ces derniers temps. Il a retrouvé Ouais. un peu de couleur Et c'est. sur cette Et dernière ce que je. semaine, Ouais, là où d'accord, mais c'est. Bogdanovic, lui, est Et plutôt dans c'est le dur plus en ce le. moment. Voilà, et c'est plus le Bogdad de l'époque. Nets, ou voire Utah Jazz. Donc, voilà, moi, je suis À pas un. voir ce que ça donne. En tout cas, sur ce match-là, c'était pas fabuleux, c'est clair. Burks un peu de mieux, je dis, cette semaine. On va enchaîner après sur la rétrospective des différents matchs. Mais effectivement, y a un peu, on utilise les joueurs disponibles en ce moment, ceux qui ont quand même un rythme de compétition. Et c'est pas certain qu'ils passent le cut pour un roster, une rotation raccourcie en vue des playoffs. En tout cas, ils ne montrent pas des gages de sécurité, des garanties qui feront dire à Thibodeau, j'ai besoin de ces Bogdanovic soldats-là en playoffs. sur le match Alors que contre Golden State, McBride. c'est 17 minutes, 2 sur 6 au shoot et 0 sur 2 à 3 points, 2 rebonds, 2 passes pour 4 points. Et ouais. Voilà, en 17 minutes. Donc, oui, compliqué de lui enfiler plus, quoi, des minutes. Enfin, je sais pas. C'est. À voir. En tout cas, sur ce match, victoire des Knicks. Et oui, victoire des Knicks à Golden Et ça, c'était State. incroyable aussi, hein. Quelle victoire! 119-112. C'est une Ouais. belle victoire. Il y a un record, il y a du triple-double. Et puis l'adversaire s'est quand même battu. Même si les Knicks sont sortis victorieux. Et ça, c'était très bien. Un petit peu à la surprise avec ce 5 small ball. Derrière, les Knicks se déplaçaient pour leur dernière affiche dans le Ah, on verra. Colorado. Bon, là, on s'attendait, et on l'avait dit, à un match un peu compliqué parce que c'était le champion. Et on a retrouvé McBride dans le 5 de départ. Bah oui, à la rigueur, on ne change pas une formule qui gagne. Sauf que bon, le small ball face comment dire, aux Warriors, ça passe. C'est dans leur jeu. Il y a effectivement un Steph Curry sur lequel il fallait faire un pressing défensif. Là, c'était plus compliqué. Clairement, les armes sont quand même plus largement étalées dans cette rotation des Nuggets, avec un Jokic MVP sans forcer en triple-double, un Michael Porter Jr. à plus de 30 points, enfin à la trentaine de points sur cette rencontre. Ça commence à devenir compliqué, sachant qu'il y a du Jamal Murray, il y a du Gordon. Bref, c'était plus difficile, même si les Knicks n'ont pas fait non plus pâle figure sur cette rencontre. Une défaite Non, bien 100 sûr à que non. 113, fin de road trip, altitude. Les Nuggets qui voulaient aussi prendre leur revanche, ils n'ont pas oublié le gros blowout qu'ils s'étaient pris au Madison Square Garden, donc il y avait ça encore dans la tête des joueurs des Nuggets. Les Knicks étaient tout simplement pas assez armés pour venir à bout d'un champion une Voilà. deuxième fois dans T'as cette tout dit. saison, quoi. Non, t'as tout dit. Bah oui, on n'était pas assez armés. Là, cette fois-ci, contrairement au match aller, t'as ni ton deuxième meilleur marqueur, ni ton meilleur défenseur. Donc forcément, c'est compliqué quoi, de lutter face à l'armada des Nuggets, Même sûrs de si leur y a force. match au début, hein. Les Knicks se sont pas Oui, complètement mais défoncés. L'écart bien se fait sûr, sur la fin, mais encore une à un fois. moment donné, le physique prend le dessus, quoi. Et puis, Ouais. quand t'as une équipe qui est plus forte, enfin, je veux dire, c'est dire que l'eau ça mouille d'avancer que les Nuggets sont candidats à leur propre succession, quoi. Donc, voilà, c'était un match qu'on avait prédit à perdant et il n'y a pas eu de surprise, quoi. Non, il n'y a pas eu de surprise, même s'il y a eu match. Il y a eu match. Les Knicks ont lutté. Les Knicks sont encore passé beaucoup de temps sur les parquets, ça c'est sûr. Parce que voilà, les problèmes de rotation ne se sont pas arrangés sur cette sortie. Je ne sais plus si Jericho Sims se joue sur cette rencontre. En tout cas, il a joué contre les Warriors. On le voit un petit Il peu a en joué ce 8 moment. minutes. Voilà, il permet de faire souffler Hartenstein en tout cas. Hartenstein qui fait une belle rencontre encore sur ce match. Est-ce que c'est sur ce match où il finit à 20 rebonds par. J'ai un doute. Non, Je ne il sais fait plus. Non, 20 points. c'est. Il fait 20 points, mais 8 rebonds. 3 passes. Ah, il fait 20 points. 20 points, 8 rebonds, 3 passes, une interception, 2 contre. Pas mal, Et le face à bonhomme. un client en face, c'est quand même honorable. Mais voilà, c'est pas suffisant pour venir à bout des Nuggets Enfin, c'est un qui Jokic avait. en 30 points, 14 rebonds, 11 passes. Le Et tout monsieur ça, s'annonce aussi prétendant et au les titre de MVP. Hein. les 30 points, t'en as pas et t'as pas un panier à 3 points là-dedans. Bah pourquoi faire? Bon voilà, on va pas épiloguer plus longtemps sur le match face aux Denver Nuggets. Une défaite, on pouvait s'y attendre. Ça permet de finir le road trip avec un bilan de 3-1 sur les 4 rencontres. Franchement, un Pardon. bilan plus que positif. Bien On signait tout de sûr. suite en début de road trip pour partir Et avec puis ça, sachant qu'il y avait ça permet les. de maintenir la pression sur les équipes de devant et de pas se faire attraper, de ne pas trop se faire attraper par les équipes de derrière. Donc non, c'était carrément que du positif, quoi, comme tu dis. Ne pas se faire attraper par derrière, c'est toujours mieux. Bon, derrière quoi? Derrière, il y avait un retour au Madison Square Garden, et donc les voisins qui nous accueillaient, enfin qui nous accueillaient, qui nous attendaient, des voisins qui Voilà. sont pas forcément en bonne forme cette saison, même si sur cette rencontre, ils nous ont donné du fil à retordre, tout de même. Ils ont Ouais. tenu, allez, je serais tenté de dire trois quarts temps, et puis à la Ouais, le fin, les troisième, Knicks ont ça fait la commence à différence, quoi. claquer. Ouais, sur la fin du troisième. Mais quand Mi-troisième, même. déjà, mi-troisième, ça a commencé à lâcher. Et puis le dernier, ça a été. Il a fallu quand même s'employer pour venir à bout, se détacher finalement de ces Brooklyn Nets. Mais. Alors je crois que c'est Claxton, là, leur pivot, qui disait il y a quelques saisons, j'ai Ouais. jamais perdu contre les Knicks Non. depuis. Et depuis Ouais. cette déclaration, On a pu gagner contre les Knicks. Eh Comme ouais, quoi, jouer forcément, avec t'as... des Kyrie et des KD, ça change un peu la donne quand même. Exactement, ça fait déjà d'une, ça t'aide à gagner, ça fait des coachs, parce que mine de rien, leur ancien coach, bah, s'il était là, c'est Jack aussi parce Quinn. que bah, les autres, ils gagnaient. Après, quand tu regardes sur le papier, l'équipe, tu vois, est plutôt séduisante, avec un Claxton, un Cam Johnson, un Mikal Bridges, un Cam Thomas qui est toujours un peu follet, je l'aime bien ce joueur, il me fait marrer, et un Dennis Schroder. Je veux dire, et en sortie de banc, t'as un Dorian Finney-Smith, alors qui maintenant qui est devenu plus Dorian que Dorian Finney-Smith, Que quoi, par rapport Finney-Smith. à... Voilà. Tu vois, t'as un Bats Diop, t'as un Deron Sharp qui sort du banc, enfin, tu vois, t'as Ouais, mais faut un arriver. Looney Walker. Donc, tu vois, t'as quand même une équipe plutôt séduisante et Sur le papier, sur le papier. ouais, qui peut être un peu effrayante, c'est vrai, hein, quand ça commence. Tu sais, ça, c'est une équipe qui... Lorsqu'elle commence à prendre confiance et que ça commence à rentrer, tu sais, c'est super compliqué. Et bon, mais finalement, on est arrivé à s'en défaire, et de fort belle manière, parce que bah, c'est pas évident. Et on revenait quand même de plusieurs matchs à l'extérieur. Il fallait se rassurer aussi, parce qu'on disait, il faut gagner. C'est bien de dire, il faut gagner, mais Ouais, après, il faut... c'est un peu des matchs pièges. Après, C'est un faut... peu des matchs pièges. Exactement. Et c'est vrai qu'à la mi-temps... À la mi-temps, t'as ce panier au buzzer de Mikal Bridges, là, et puis... Venu de sa ligne de lancer. Ouais, fin de troisième aussi, pareil, ils mettent un 3 au buzzer. T'avais l'impression que s'ils marquaient pas un panier à 3 points au buzzer, ils avaient un gage. Et puis bon, ben voilà, après, derrière, t'as la Duke Sanity, quoi, actuellement, Eh oui, qui est... encore un bon match de Miles McBride. Encore une fois, il fait toute la semaine dans le starting 5. Là, c'est pareil, on n'avait pas de mission small ball en Le go-to guy particulier en ce moment, quoi. à présenter face aux Nets. Et bah, la formule a encore une fois fonctionné cette semaine. Elle n'a pas fonctionné contre les Denver Nuggets, mais en tout cas, on a un McBride qui nous fait une semaine entière dans le starting 5. Est-ce qu'il va falloir attendre le retour d'OG Anunoby ou de Julius Randle pour le remettre sur le banc? À voir. Mais en tout cas, voilà, il donne plutôt satisfaction à son coach. On s'était déjà fait la réflexion en se disant, dans tous les jeunes joueurs que les Knicks ont pu drafter, si c'était Miles McBride qu'il fallait garder, qui aurait parié dessus? Pas grand monde. Bah, en ce moment, il a l'air de trouver sa pleine période d'éclosion, de révélation, des gros temps de jeu, un jeu qui se fait des deux côtés du terrain, des shoots à 3 points qui rentrent, capable de monter au dunk aussi. Il nous fait kiffer le petit Juice en ce moment, il nous fait kiffer. Ah ben carrément, carrément, mais c'est... Tu vois, c'est ce qu'on m'a posé comme question, et c'est ce que j'ai pu lire aussi, c'est est-ce que McBride ne fait pas ce qu'on aurait aimé que Grimes fasse, tu vois? Ça fait mal au cœur, parce que Quentin Grimes, on l'aimait beaucoup, ce joueur, tu vois? Et c'est vrai que... Ou Ben là... plutôt à un certain Frankie, peut-être. Je sais pas. Ou, en remontant plus loin, un certain Frankie, ouais, tout à fait. Et ce petit gars, en fait, il a peur de rien, quoi. Déjà, son shoot, mais il est super chouette, son shoot. Enfin, il a super bien développé ce tir à 3 points en pleine confiance. Il a cette défense tout terrain. Il a un cardio d'enfer. Franchement, enfin, monstrueux. Hein. Sa ligne de stats, elle est là. Hein. 26 points, 3 passes, 2 rebonds. Après, c'est pas trop ce qu'on lui demande. 6 sur 12, donc 50% à 3 points. Bravo. Surtout ça. Surtout que t'avais... Un Brunson qui, pour le coup, là, lui, pêchait. Donc, il était à 7 sur 24 au tir. Donc, pour le coup, à 17 points. Mais Un match. Un match. un Et, dompté qui mais a encore arrosé à 3 points et qui finit la soirée à plus de 30 points, qui fait un petit 14 peu. sur 13 à 3 points. On sent qu'il y a un record à aller chasser. Hein. On sent qu'il y a un record à aller chasser. Voilà. On le laisse, il a des positions de tir derrière l'arc, il les prend. Voilà, un dompté qui a un shoot, il tire, voilà, c'est un dompté, quoi, tout simplement. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Dante, en fait, Dante is the new Burks. Tu vois, C'est un peu ça. il n'y a aucun mauvais shoot pour Dante. Tous les shoots sont bons à prendre. Non, il Il va n'y a pas falloir que de... le record tombe pour que peut-être on retrouve un peu plus d'efficacité, un peu moins prendre tous ses shoots parce qu'on sent qu'il chasse ce record. Et il va l'obtenir, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, il termine quand même meilleur marqueur de la rencontre. C'est aussi qu'il a 31 su points. apporter de la diversité et qu'il a à un moment donné fait le déclic pour aussi Et permettre aux puis, Knicks de faire l'écart, quoi. il a quand même. Alors, si tu passes un petit peu les stats, comment ça s'appelle, les pourcentages, mais il a quand même une ligne assez noircie. Hein. Donc, tu as 31 points. Tu as un contre, tu as deux ballons interceptés, tu as cinq passes, tu as six rebonds. Ouais, bah un Pas mal. joueur qui joue un peu partout, all around. C'est un peu Pas mal. la signature des Villa Boys, des Villanova Boys en ce moment. Ouais. Josh Hart, on n'en parle plus. C'est également ce qu'il apporte. Mais voilà, c'est des joueurs qui se savent se rendre utiles au collectif. Il va falloir Mais écoute, voir le une Suisse, fois toi. que le collectif Mais... revient à pleine capacité si on a cette même efficacité, quoi. C'est clairement la définition presque du glue guy, quoi. C'est-à-dire le mec qui fait vraiment le lien avec tout le monde, avec toute l'équipe. Il fait de la défense, il fait du rebond, il va te mettre un 3 quand il faut en mettre. Et puis voilà. Et bon, après, tu as dit qu'il y avait eu du mieux pour Burks. C'est vrai, contre les Nuggets, on n'en a pas parlé. Il a fait son petit match à 18 points. Bon, ben là, il est revenu à son match à 5 points. Bon. Je vous passe Bogda qui en 7 minutes marque 3 points et puis voilà. Mais heureusement ouais, qu'on a actuellement cette équipe-là qui est attachante, c'est-à-dire Hartenstein, Hart, Dante DiVincenzo, Miles McBride et Jalen Brunson. Ces 5 gars-là avec un Achiuwa qui a joué que 7 minutes. Ouais, Donc un quand peu même... plus en retrait ces derniers temps, parce qu'il y a des problèmes de fatigue, de blessures, on n'entend pas parler. Il avait Ouais, fait de alors bons passages il n'y a pas longtemps, et moi je me demande s'il a depuis pas que eu. McBride est dans le 5 aussi, Moi il je a me un demande peu quand même s'il a pas eu rétrogradé. une petite gêne parce que il avait joué 18 minutes contre les Warriors, il en avait joué 25 contre Denver et là il en joue 7. Alors que Ouais. ça, il fait quand même partie des hommes de confiance de Thibodeau On l'a vu, on l'a vu. et on sait que quand tu as la confiance de Thibodeau, il sait te la rendre. Donc c'est vrai que bon, 7 minutes. Mais voilà, ces 5 gars-là, là, ces 5 starters, qui t'aurait dit que depuis maintenant un mois et demi, te tiennent la baraque, tu vois, Et sont en route pour aller chercher une troisième place de la conférence Est. Effectivement, cette c'est un peu équipe-là, quoi. surprenant, mais l'équipe joue sur ses fondamentaux d'énergie, de défense, de collectif, et pour l'instant, ça lui sourit plutôt bien. Bon, en tout cas, ça c'était pour la grosse rétrospective de la semaine passée. Trois matchs, mais quand même, il y avait des choses à dire. On a vu des choses, des joueurs se sont révélés, et vous le savez, la rétrospective, elle se termine toujours par un titre honorifique. KNFTV décerne des titres. Oui, on est comme ça. Avant de parler de MVP de All-NBA, on va voir qui on déclare comme étant le joueur de la semaine. Alors, il y a des noms qui ont circulé déjà, hein, dans ce début d'émission, mais on ne devrait pas faire vraiment de surprise. On a un peu été spoilé par certains sur Twitter, X maintenant. Le grand gagnant du KNFTV Nick of the Week est notre ami Deuce, Miles McBride. Et Bien oui, sûr. un rôle de starter, il l'avait déjà eu ce titre. On lui a déjà décerné, pardon, ce titre il y a quelques temps de ça, un peu plus tôt dans la saison. C'était surtout en Ouais. l'absence de Jalen Brunson. Il avait montré qu'il était un très bon backup, qu'il avait su tenir la baraque. Et bien là, Jalen Brunson, il est là. Bah, pas de problème, je vais jouer au même niveau, à un niveau élevé à ses côtés. Et ça, en Grand tout cas, ça gagnant. méritait bien un titre, une distinction de notre part cette semaine pour l'épisode Grand, grand 83. gagnant du trade de Emmanuel Quickly et RJ Barrett. Hein. Eh oui, Grand bien gagnant sûr. parce qu'il a su s'immiscer dans ces minutes-là. Alors, ses stats sur les 10 derniers matchs, et après, je vais te donner justement sur la semaine. Ses stats sur les 10 derniers matchs, c'est quand même un gars qui tourne donc à quasiment 13 points par match. Donc en 30 minutes de temps de jeu, 32 minutes de temps de jeu, il shoote à 47%, à 45 à 3 points. Et puis Pas sur mal. des volumes où il en prend, tu vois, donc c'est 2,6 sur 5,7. Donc tu vois, c'est quand même des beaux volumes. Deux passes, quasiment deux rebonds. Ça, c'est Ouais, sur les c'est 10 derniers, pas. ça c'est sur les 10 derniers matchs. Donc c'est Il quand joue même pas déjà... en tant que meneur, il est plutôt en second arrière, Voilà. même si par séquence il peut prendre la mène quand Brunson est sur le banc. Brunson n'est pas souvent sur le banc, mais voilà, c'est plus Et un sinon, joueur de sur backcourt, un la... combo. Et sinon, donc, bah, donc déjà, c'est qui est pas mal, hein, pour un gars. Il Pas faut très grand en rappeler plus, il faut il est pas rappeler que c'est un grand. type... Non, déjà, il faut rappeler que c'est un type qui est drafté au second tour, un peu de l'anonymat le plus complet, les premiers temps, on joue surtout en G-League. On l'appelle pour dépanner ici ou là, mais sans vraiment, on se dit, qu'est-ce que ce type-là finalement va pouvoir apporter dans le roster. Finalement, au fur et à mesure, il commence à trouver un peu plus sa place sur la dernière saison. Cette année, y a le trade. Lui, en loose day, il est re-signé, il prend son petit chécos là, et il a un contrat tout à fait abordable. Il est verrouillé sur les 3 ou les 4 prochaines années. Ah, pas Attendez, je peux cher. même vous dire. Attends, je peux même te dire On n'est pas à 14 millions sur 3 saisons, un truc comme ça. Miles Bon, il n'y est McBride. pas en fait. Pour un joueur qui Attends. aujourd'hui apporte des deux Alors, côtés du terrain en plus, quoi. son contrat à McBride, c'est du 3 ans 13 millions en 13. dégressif. 14. En En plus. dégressif. Donc il va prendre Bien joué, Léon, bien joué. en 2024-2025, 4,7 millions, ensuite 4,3 et ensuite 3,9. Donc Après, bon, le problème de ce contrat-là, c'est qu'on ne pourra pas le trade contre une grosse star. Hein, ce sera non, le mais problème. après, est-ce que. Alors, sur les 3 matchs, notre lauréat du Knicks of the Week, c'est quand même 22 points de moyenne, 46 minutes de temps de jeu. Ah, il a Garde, il est shooté. jeune, il est jeune. Il a shooté à. Ouais, il a 23 ans, 24, il a 24 ans. 23 ans, il a shooté à 58%, dont 50% à 3 points. Ça, c'est. Si Voilà ça, c'est quoi. pas de la réussite. Et Et. alors, est-ce que ça serait pas le joueur de la conférence Est? Est-ce qu'il. Ah, le problème, c'est qu'on a Bon. une défaite. On a une Ah, défaite. dommage. On aurait battu les Nuggets, il y avait peut-être moyen de faire le doublé. Non, mais tu vois, il prend 8 tirs à 3 points sur le match, il en marque 4. Voilà. 54%, c'est quand même incroyable. Hein. Donc, après, voilà, ce Continue, continue comme contrat-là. ça, Juice, continue. Voilà, là, on dit bravo Léon, chapeau, le contrat de malade. On n'a pas signé un mec à 22 points, à 50%, à 3 points. Calmons-nous. Hein. Non. Ça va se. Il a un petit coup de chaud en ce moment, il y a une petite sanity qui se fait, et Voilà. tant mieux qu'il en C'est profite, qu'elle dure le sympa. plus longtemps C'est rafraîchi. possible. En plus, il a une bonne bouille. Il a une bonne bouille. Il a l'air sympa comme tout. Bah, de Non, mais ouf. franchement, c'est un mec qui gagne à être aimé, quoi. Tu vois, c'est. Moi, je l'adore, moi. Petit McBride, il me fait marrer. Donc. Voilà, allez. Un nouveau chouchou de plus. Il n'y a que des chouchous dans cette équipe quasiment, donc de toute façon. Ah, mais non, mais après, il y avait IQ. Ça, IQ, c'était c'était avant. IQ. C'était avant. Mais c'était avant, mais on va peut-être le revoir. Ça fait une bonne transition. On va regarder ce qui se Oh! présente au programme de cette semaine. C'était voulu! C'était voulu! Un chouchou peut en chasser un autre. Bon, c'est pas facile à dire ça. Un chouchou peut en chasser un autre. On regarde tout de suite ce qui se présente au programme des Knicks cette semaine 3 tortues, et 3 au trous sur programme 3, de Miles 3, 13 et McBride. 3. On va voir ça, on va voir ça. Allez, c'est parti, on regarde le programme de la semaine. Seb me tend une perche formidable pour faire la transition, parce que oui, cette semaine, il y a des retours d'anciens chouchous. Et oui, t'avais un chouchou de Grimes? J'avais un chouchou de Grimes, pas le chouchou de Grimes, il revient au Madison Square Garden. Alors ça s'était pas très bien passé pour eux, en tout cas en fin de match surtout, puisqu'ils étaient repartis avec une défaite un petit peu frustrante. On avait parlé d'erreurs d'arbitrage, de favoritisme, que sais-je. Eh bien, les Detroit Pistons vont avoir l'occasion de venir prendre leur revanche. Alors, est-ce que les Knicks vont trembler ou au contraire ne vont faire qu'une bouchée des joueurs du Michigan? On verra tout ça dans cette nuit, puisque c'est dans la nuit de lundi à mardi que les Knicks enchaînent au Madison Square Garden, avant de repartir un petit peu, faire une sorte de road trip. Alors, un road trip qui va partir en mode sur les traces de Kawhi, puisque ça sera une première étape dans l'Ontario, au Canada, du côté de chez les Raptors, de côté de chez R.J. Barrett. Alors, est-ce que R.J. Barrett sera de retour? On avait parlé de sa situation personnelle avec la disparition de son jeune frère. Je ne sais pas s'il sera de retour dans la nuit de mercredi à jeudi pour réceptionner les New Yorkais, les Knickerbockers. En tout cas, les Raptors ne vont pas super bien en ce moment en termes de bilan sportif. Et on aura donc cet autre chouchou qui est IQ, qui sera sûrement opposé à Jalen Brunson et peut-être Miles McBride, si on continue de jouer small ball et qu'on continue de gagner des matchs, qui sait. Derrière, autre étape de ce voyage, bah, puisqu'on est sur un voyage à la Kawhi, on retourne là où tout a commencé pour Kawhi en NBA, à savoir chez les Spurs, chez Wemby. Wemby qui avait trouvé le Madison Square Garden un petit peu petit, et ben cet état du Texas, il n'est pas très grand non plus. Hein. Donc on verra si la grande envergure et ce profil de Rookie of the Year, voire peut-être DPOY, Defensive Player of the Year, vient à bout des Knicks. Est-ce que ça va poser des problèmes aux New York Knicks de venir à bout des Spurs? Des Spurs qui sont déjà éliminés, hein, de la course aux playoffs. Ça, c'est pour voilà, le signifier. Donc, trois équipes en début de semaine avec des bilans négatifs. Ça doit permettre à New York de pouvoir se faire un max de victoires et d'essayer, pourquoi pas, d'aller grappiller des places au classement de la conférence Est. Parce que la semaine va se terminer de façon un petit peu plus compliquée. Ça sera un retour à la maison, certes, mais ça sera une des équipes phares de cette conférence Ouest et de cette ligue en cette saison 2023-24, avec un déplacement, avec le déplacement, qu'est-ce que je raconte, avec la réception, pardon, du OKC Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, SGA, qui est un des prétendants au titre de MVP. Il sera dans la discussion, c'est certain. Il ne sera pas dans Team USA. Non, lui sera dans l'équipe du Canada, et l'équipe du Canada qui avait fait quelques misères aux Français et à Team USA la saison dernière. Donc là, à voir si Jalen Brunson arrive à prendre sa revanche sur son vis-à-vis. En tout cas, voilà, ça sera un quatrième match qui sera à la maison, au Madison Square Garden, dans la nuit de dimanche à lundi. La semaine prochaine, on change d'heure aussi en France, donc attention à bien régler vos réveils. Et puis, ça sera le dimanche de Pâques. Un pack qui avait été, il y a quelques années, plutôt victorieux pour les Knicks. On pense tout de suite au numéro 7, au bandeau. Vous aurez reconnu de qui je parle. Voilà, en tout cas, un programme de 4 matchs cette semaine. On est dans les dernières lignes droites de la saison régulière. Il restera 2 semaines derrière tout ça. Les Knicks sont encore bien classés. Ils n'en sont qu'à une petite longueur de la 3e place, encore détenue par les Cleveland Cavaliers. Donc, dit autrement, l'avantage du terrain est toujours possible, même avec une 4e place. Ça pousse derrière avec Orlando. Les Indiana Pacers ne sont pas très loin. On se méfie toujours de ces diables du Miami Heat. Donc voilà, après aussi, il ne va pas falloir lâcher beaucoup de matchs parce que l'avantage du terrain, c'est quelque chose. Et puis, si on veut se retrouver dans un tableau plus ou moins accessible pour viser de la finale de conf, il serait de bon ton d'éviter peut-être les Boston Celtics, qui font un peu peur à tout le monde dans cette conférence Est. Donc, il va falloir gagner des matchs cette semaine. Il va falloir gagner des matchs. Deux questions, comme à chaque fois. Et puis, tu vas nous donner aussi les formes des moments des uns des autres. C'est la dernière semaine qui est vraiment abordable. Hein. Parce qu'après, ça s'accélère. Sur les deux suivantes, ça s'accélère franchement. Ça va se compliquer. Donc, il faut saisir, il faut ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Avant de parler et de poser nos deux questions de quels sont les matchs attendus et puis notre pronostic, tu peux nous donner un petit peu la forme du moment de toutes ces équipes, même si on a dit les trois premières, pas trop de forme. Hein. Ouais, alors ouais, donc Détroit, c'est un peu la foire à la saucisse, quoi. C'est-à-dire que t'as un peu tout le monde qui est blessé. Actuellement, t'as quand même Jane Duren qui est en day-to-day, Kate Cunningham aussi, Taj Gibson, lui, il est out, Kenden Grimes, out, Simone Fontecchio, out, Isaiah Stewart, out, Ozar Thompson, out. Peut-être qu'on peut leur prêter quelques joueurs. Donc, ouais, donc si tu veux, là, actuellement, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont sur 6 défaites consécutives. Ouais, ils ont perdu 2 fois contre Miami, 1 fois contre Boston. Deux fois contre Boston, 1 fois contre Indiana, 1 fois contre la Nouvelle-Orléans. Ils ont joué que du gros sur les derniers matchs. Et là, bon, là, les Knicks, c'est du gros. Normalement, oui. Les Knicks, c'est du gros. Et donc, voilà. Donc, je pense que Cunningham doit faire 2 matchs qu'il n'y ait pas, puisque je ne le vois pas être dans les lignes, toi, des meilleurs marqueurs ou meilleurs passeurs. Donc, actuellement, voilà, t'as du Wiseman qui est présent, du Sasser, du Metu. C'est un match à prendre. C'est un match piège, parce que des fois, on se méfie moins, on se relâche par rapport à ces équipes. Mais les Knicks doivent faire le travail. Ouais, les Knicks doivent faire le travail. On va parler pronostic après, mais en tout cas, une équipe des Detroit Pistons éliminée, qui a plutôt intérêt à tanker en plus. Et diminuée. Donc, ouais, comme tu dis, là, il n'y a plus de raison. Faites jouer la G-League et puis donnons-nous le plus de chances possible d'avoir dans les 14% d'avoir le first pick, quoi. Ensuite, donc, on a Toronto, donc ben, avec le retour de Emmanuel Quigley, mais Enfin, qui le est retour, les retrouvailles, les retrouvailles. voilà, les retrouvailles, mais qui est annoncé out. Donc actuellement, on a Gigi Carton. Donc non, ça c'est pas donc un disjockey de la côte. Non, non, Gigi Carton, c'est un vrai joueur de basket qui est annoncé out, comme Jonte Porter, mais surtout IQ qui est out actuellement. Donc il a une petite blessure. Il devrait pas jouer donc pendant quelques temps. On a RG hein, qui est pas là évidemment. On l'a dit, on a Chris Boucher, Poeltl et Scotty Barnes out. Eux aussi. Il faut absolument qu'ils perdent des matchs. Sinon, le pic, je crois, va à Atlanta. Donc, c'est pour ça que là, tu te retrouves avec une équipe qui, sur les derniers matchs, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 défaites consécutives, Oh, dont ça fait mal. La dernière contre la plus mauvaise équipe NBA, c'est-à-dire les Washington Wizards. Donc, ouais, Ça largement distancé de la course au play-in, plus Ouais. vraiment d'intérêt sur cette fin de Là, saison. actuellement, le go-to-guy, justement, on l'a vu, c'est Gradedic. C'est du Trent Junior, c'est du Agbaji. Bon, voilà. Là, Alors tu. Là, là, tu. la question Là. sera de savoir avec qui ce monsieur Dick va échanger son maillot en fin de match. Côté Donc là, Knicks, je ne clairement, vois pas. tu vas chercher le first pick. Enfin, pas le first pick, mais là, clairement, tu joues la draft. Là, actuellement, tu joues la draft à si tu es dans une phase de reconstruction, tu mets tes cadres au repos, les mecs, reposez-vous. Dans pas longtemps, ce sera officiel, vous allez pouvoir partir boire des mojitos. Là, actuellement, voilà, on lâche les chevaux du côté de Toronto. Alors, Belle San transition Antonio. pour les chevaux, parce que tu parles des chevaux aux éperons. Eh oui. Est-ce que justement Voilà. les Spurs sont en Et on mode ne pense pas du tanking? coq à l'âne. Est-ce qu'ils ont intérêt à aller chercher un nouveau lottery pick, associé pourquoi pas à un autre Français, à un Français? Actuellement, oui, ils sont quand même. Parce qu'on n'a pas donné les bilans, mais on a nos amis de Détroit qui sont sur un bilan de 12,59. Nos Ouais, on amis peut les partager. Ouais. de Toronto qui sont sur un 23,48. Et les Spurs qui sont sur 15,56. Alors, on a Victor qui a annoncé en day-to-day. Alors, est-ce qu'il va jouer ou pas? Parce que On verra. Ce sera dans la nuit de vendredi à samedi. avant nous, ils vont jouer Phoenix et ils vont jouer Utah. Là encore, on n'est pas sur une dynamique où il faut des victoires absolument. Les Spurs, actuellement, c'est trois défaites, une victoire, trois défaites, une victoire. Donc, si on suit la logique, les trois prochains. Il devrait gagner Phoenix et il devrait perdre les trois suivants. On est dans les trois. Donc, Ça devrait voilà. bien se goupiller pour les Knicks. Normalement. Mais sinon, ouais, t'as que Wemby qui est annoncé en day-to-day, mais il devrait jouer. Je pense que c'est juste un peu de load management. L'équipe est au complet. Le meneur sera là. Non, même si je charrie, même s'il joue plus, il joue plus meneur. Mais voilà, les Devin Vassell, les Johnson, tout le monde est présent. Leur Et dernier pour match, finir, dernier match, voilà, c'est sur les 5 derniers matchs, donc c'est un 1-4. Ils ont gagné contre Brooklyn en overtime. Ils ont perdu contre Denver, contre Dallas, contre Memphis et contre Phoenix. Et le gros, le gros là, morceau, le gros morceau, pas de doute donc là-dessus. qui eux ont un bilan de 49-21. Oh. Actuellement, ils ont que Lukens Dort qui est annoncé qui est en day-to-day. Donc, sera-t-il là, ne sera-t-il pas là, ça on ne sait pas. Dernier match, ils l'ont perdu contre Milwaukee. Leur meilleur joueur a été Josh Giddey. Voilà, donc est-ce qu'ils étaient au complet? Je vais te le dire. Ils étaient au complet. Petit match de Shai Gilgeous avec 12 points. Holmgren 6 points. Donc ouais, clairement, un match dans lequel ils se sont fait surclasser par les Bucks. Ouais, bon, À voir si ça Tom arrive à. Thibodeau Ça arrive appelle à. son ancien coach qui est Doc Rivers pour trouver la solution pour venir à Ça arrive bout à des du Thunder, mais oui. gens bien de perdre contre Milwaukee. Sinon, avant ça, bon, voilà, ils avaient tapé Toronto, Utah, Memphis, Dallas. Donc un joli match hein, de contre Utah de Holmgren avec un 35 points, 14 rebonds. Là aussi, quand même, un sacré mutant. Bon, avant nous, ils vont jouer la Nouvelle-Orléans, Houston, Phoenix et nous. Donc, quand même, Ouais, ressortir de tu vois. Phoenix, il y aura peut-être un peu de fatigue. Tu vois, quand Espérons. même, voilà, comme tu dis, une belle équipe, et surtout qu'ils seront en back-to-back. Hey. Ils auront joué Phoenix et après, derrière, ils nous jouent nous. Donc voilà, mais bon, après, c'est. Normalement, c'est une équipe qui doit viser chez eux la finale de conférence à minima. Donc ça leur fera pas peur d'enchaîner les matchs, les gros matchs À comme ça. voir, à voir. Des fois, le classement de la saison régulière ne révèle pas forcément le niveau une fois arrivé en play-off. C'est un autre jeu. Mais en tout cas, c'est une équipe qui se porte plutôt bien et qui aura envie de briller au Madison Square Mais Garden, c'est certain. Back-to-back ou pas back-to-back? sur cette semaine, on affronte trois équipes qui jouent le bas et une qui joue le haut. Voilà. Et c'est Voilà. la dernière fois que ça va arriver. Après, on va plutôt viser du haut du panier. Bon. Sans trop dévoiler grand-chose, finalement, cette affiche, le match qu'il ne faut pas manquer cette semaine, le match qu'il va falloir regarder, ça va être le dernier, ça va être celui du Thunder. Les autres seront mignons, on s'attend plus à des victoires, je pense, on va voir vis-à-vis de nos Surtout pronos, avec les mais... flopées de blessures qu'ils ont tous, sauf les Spurs. Les Spurs qui peuvent être cette équipe, hein, un peu comme Ouais. tu dis, un peu piège, hein, un peu piégeuse, un peu comme Brooklyn, tu vois. Ça peut être l'équipe un peu piégeuse. Faut se méfier. Ouais, c'est l'équipe qu'il faut se Et méfier. c'est marrant de voir qu'on va passer d'un Wemby à un Holmgren en deux matchs. Donc Ouais. ça va être sympa de Deux voir s'il y a licornes. des ajustements ou pas, qui sourit mieux aux Knicks. On verra tout ça, on verra tout ça. Donc du coup, on part sur cette affiche à ne pas manquer, l'affiche de la semaine, les Knicks qui reçoivent le Thunder au Madison Square Garden le dimanche de Pâques. Et alors nos pronostics. Bon, je serais tenté de dire que comme j'ai gagné le pronostic de la semaine dernière, j'ai eu bon. À moi l'honneur de démarrer l'annonce des pronostics. Alors bon, certains m'auraient dit, oui, bah, tu vas annoncer un 3-0. Eh ben oui, je vais annoncer un 3-0. Tout à fait. Pour commencer la semaine. Débuter par un 3-0, ça me semble être ce qu'il y a de mieux à faire. Et compte tenu des adversaires, que ce soit en road trip ou à domicile avec les Pistons, ça doit normalement se traduire par 3 victoires des Knicks. Peut-être qu'effectivement, le match face aux Spurs pourrait être un peu plus accroché si Victor joue. On sait qu'il a la capacité à performer, à faire des stats, mais autour de lui, c'est pas forcément tout le temps présent en termes de supporting cast. Donc les Knicks doivent, même dans l'état actuel de l'effectif, prendre cette victoire pour continuer à surfer sur une bonne dynamique dans la conférence Est et pourquoi pas consolider une place de 3 ou 4. Donc voilà, pour moi, c'est 3-0 en début de semaine. Mais malheureusement, plutôt une défaite, un 3-1 du coup pour finir la semaine, avec une défaite face au Thunder. Le Thunder qui réussit pas souvent aux Knicks, il y a enfin, la saison dernière, ou il y a 2 saisons de ça s'était traduit par des vilaines défaites. Un jeu qui est très rapide, un jeu qui est très athlétique. Est-ce qu'il y aura tous les joueurs présents? À voir, hein, d'ici la fin de la semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, ils seront en back-to-back, donc peut-être que ça pourrait donner une chance de plus à New York de profiter des joueurs de l'Oklahoma un peu plus fatigués, émoussés, en sortie d'un déplacement, enfin d'une rencontre face aux Suns. Mais voilà, non, j'ai plutôt peur d'une défaite, même en back-to-back ou pas, hein, pour eux. Et donc un 3-1 pour moi sur cette semaine. Toi, Seb, tu vois ça comment? Ouais, je serais tenté de te suivre. Je regardais un petit peu là, les résultats de ces Spurs. Alors ouais, ils prennent des danses, ils perdent des matchs. Mais tu vois, ils vont te gagner Minnesota. Et ça arrive. Ils vont te gagner OKC. Et puis d'ailleurs enchaîner avec Indiana. Tu vois, après des fois, Ils ont la capacité de tu... surprendre. Sur leurs 15 victoires de la saison, ils ont pris quelques belles affiches. Ils ont perdu beaucoup, hein. En tout début de saison, ils avaient battu en back-to-back quasiment Phoenix, quoi, coup sur coup. Donc c'est vrai que c'est une équipe, tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais cependant, je te suis là-dessus. On est sur la dernière ligne droite, on est sur la dernière semaine où on peut avoir du positif sur la semaine. Donc moi, je te suis sur le 3-1. Je pense qu'en effet, Oklahoma, c'est beaucoup trop fort pour nos Knicks en l'état. Après le reste, normalement, Détroit. Surtout qu'en plus, on l'a vu, Détroit-Toronto, c'est sclérosé de blessures. Donc, Ils vont arriver avec des équipes vraiment diminuées. Et puis clairement, la tendance, c'est perdre des matchs, les gars. On a une draft à aller chercher. San Antonio, ils en ont déjà perdu assez. Donc, ils sont sûrement dans les trois pires bilans maintenant. Donc, quelque part, qu'ils prennent une victoire ou pas. Mais bon, voilà. Ils Après, se c'est plus leur. renforceront avec la draft, avec un autre Après, épique, mais. c'est. Après, c'est plus l'orgueil du champion. On sait que Mwembe, il n'aime pas perdre. Donc, voilà. Mais OKC est au taquet. OKC est fort. OKC. Dans toutes les lignes, à un homme qui, je pense, est quasiment est meilleur que le nôtre. Donc, je ne nous vois pas du tout gagner contre. Donc, je te suis là-dessus sur un 3-1. Allez, partons sur du 3-1. À vous de nous dire en commentaire de cette vidéo ce que vous prévoyez pour cette semaine. Hein. Une belle semaine de printemps avec que des victoires. Au contraire, quelque chose de mitigé, un 2-2. Pire, un bilan négatif sur cette semaine. À voir. En tout cas, les Knicks ont bien voyagé. Leur road trip précédent était bon. Là, c'est un mini road trip. Il va falloir se repréparer après à refaire les valises pour aller faire un tour ailleurs. Mais en tout cas, cette semaine, il y a peut-être des victoires à prendre. Combien? Une, deux, trois ou quatre? À vous de nous dire en commentaire ce que vous pronostiquez. Et on verra, on débriefera ensemble la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, attention, on ne sera pas forcément de retour dès le lundi. Lundi de Pâques oblige, on ira faire la chasse aux œufs, on ira se gaver de chocolat. Et on reviendra un petit peu plus tard dans la semaine. Mais en tout cas, il y aura un épisode, bien sûr, parce qu'on va suivre cette saison jusqu'au bout. On va vous accompagner jusqu'au bout. On va vous accompagner sur YouTube, ça vous connaissez. Et on va vous accompagner aussi sur les plateformes de streaming audio. Vous avez l'habitude maintenant depuis quelques épisodes déjà. Tous les épisodes sont à retrouver et tous les épisodes arrivent, bien sûr, en avant-première, c'est sur YouTube, sur KNFTV, que vous retrouvez à Venix Week et quelques heures, quelques jours, le lendemain, on va dire, de l'épisode sur YouTube. L'épisode est également disponible en format audio. Voilà, on a tout dit pour ce 83e épisode, c'est bien dense. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne semaine, un joyeux printemps. Je sais pas si ça se souhaite, un joyeux printemps. Une Bon, excellente pourquoi pas? Pâques. Eh ben pourquoi Pourquoi pas? Et pas? pourquoi pas? Ben alors, eh ben Un voilà, super joyeux printemps été. à tous, joyeux Une très bonne printemps à année. tous, voilà, régalez-vous de chocolat, De pollen. voilà, de pollen, Bon courage à tous ceux qui sont régalez, allergiques au voilà, pollen. butinez bien, à toutes les abeilles qui nous écoutent, ben voilà, régalez-vous. Et pourtant, on n'affronte pas. Pourtant, on joue pas Charlotte, hein, mais On joue pas les Hornets, mais voilà, une petite pensée à toutes les abeilles qui nous écoutent. Il y en a ouais. beaucoup, on le sait. On le sait. On le sait. Sur ce, voisin du dessous, butine bien. Ah bah, écoute, on va faire ce qu'on peut, hein. On va butiner, hein, on va butiner. Ça sera le mot de la fin. Bonne semaine à toutes et à Voilà. tous, et rendez-vous la Butinez semaine tous bien. prochaine Voilà. sur KNFTV pour un nouvel épisode de Avenix Week. On espère avoir toujours cette bonne humeur. Allez, bonne Même semaine butine. et à très vite. Ciao, ciao!